Chapitre 5e, avec le chalumeau. N'entendant ni ronflement ni soupir venir des salons plongés dans l'obscurité, Paulin Broquet, homme discret, quoique curieux par profession, ne chercha pas à se documenter plus grandement de ce côté. Il s'engagea dans le long couloir qui conduisait à l'escalier menant aux appartements. Il voulait au plus vite gagner l'étage d'où il avait vu faire avec un mouchoir aux passants rhumés dans la rue le signal par la fenêtre. Ces hommes se placèrent comme il avait été convenu quand on régla l'attaque. Ils se postèrent devant les portes le long du couloir sous le palier de l'escalier. Chacun était muni d'une paire de menottes, d'une corde mince et solide, d'un casse-tête en caoutchouc et d'un revolver. Dans l'escalier, dans les couloirs, ils ne rencontrèrent personne. Sans doute, de leur côté, les cambrioleurs croyaient leur coup assez bien préparé pour n'avoir rien à redouter, ne craindre aucune surprise. Ils commirent l'imprudence de ne pas se garder suffisamment et de seulement compter sur leurs hommes du dehors. Ils opéraient donc en ce moment tout à leur aise en parfaite tranquillité, et même ayant pour accomplir ce cambriolage revêtu leur cagoule de zigomar, rouge ou noir, ils avaient, afin de sentir moins la chaleur, rabattu dans leur dos leur capuchon. Paulin Broquet avança. Il entendit du bruit venir d'une pièce qu'il savait être le cabinet de travail du baron Vancambre, où se trouvait le fameux coffre-fort. C'était là que les cambrioleurs se tenaient. Et le bruit, une sorte de sifflement continu, Paulin Broquet devina ce qui le produisait. Les cambrioleurs perçaient au chalumeau le coffre-fort. C'était un moyen nouvellement imaginé auquel aucune plaque d'acier ne peut résister. Au moyen d'un chalumeau à flamme d'oxygène projeté sur la paroi, on perce avec une facilité merveilleuse les coffres-forts les plus perfectionnés. Toutefois, ce moyen infaillible a un grand défaut qui constitue la dernière sauvegarde de ceux conservant encore la foi dans ces meubles encombrants. Les voleurs se volent eux-mêmes par ce moyen. C'est-à-dire que la chaleur dégagée par le chalumeau est tellement forte que dans l'intérieur du coffre tout est brûlé. Si ce sont des papiers, il n'en reste que des cendres, tout est fondu, l'or perd toute sa valeur et les bijoux sont détruits. Mais les cambrioleurs qui opéraient chez le baron Vancambre savaient cela et ne voulaient pas compromettre le fruit de tant de préparation, de tant de peine, de tant d'adresse. Comme ils avaient le temps pour eux et qu'ils étaient persuadés que personne ne pourrait les déranger, ils entendaient que leur travail fût complet et qu'il fût surtout de bon rapport. Ils avaient une telle confiance dans la réussite de ce cambriolage si bien machiné que sans hésitation ils avaient allumé les lampes électriques du plafond et opéré à leur aise en pleine lumière. Ils espéraient retirer du coffre le collier, les bijoux, les valeurs, les millions, absolument intacts. Aussi, ayant défait le lit du baron Vancambre, ils placèrent devant le coffre les matelas, puis ils se mirent à desceller le coffre retenu par de solides agrafes de fer dans les murs. Le coffre, ils le firent ensuite tomber, le couchèrent sur les matelas, qui amortirent la chute, étouffant le bruit et empêchant un ébranlement du plafond. Ils s'assurèrent d'abord que l'arrière du coffre était aussi bien constitué que le devant, et qu'il ne pourrait facilement et promptement le percer par des moyens ordinaires de pince monseigneur et autres instruments de l'ancienne école. Alors ils se décidèrent à employer le moyen tout moderne du chalumeau. Mais connaissant les inconvénients de ce système perfectionné, ils savaient aussi y remédier pour ne rien perdre de leur entreprise. Pour cela, ils renversèrent absolument le coffre, puis le mirent la base en l'air. Cette manœuvre offrait de grands avantages. D'abord, les objets contenus dans le coffre allaient tomber au fond. Sur eux s'écouleraient les plaques de fonte qui servaient de tablettes, de supports, et qui les protégeraient suffisamment par leur épaisseur contre l'excessive chaleur venue d'en haut. Enfin, le fond des coffres-forts, auquel, par sa position même sur le sol ou très près du parquet, on ne peut s'attaquer, est généralement moins solidement construit que les autres parois. En outre, la chaleur du chalumeau qui y manœuvrait de face, détruit tout à l'intérieur du coffre, ne descendrait pas jusqu'au fond, ou tout au moins, en y arrivant très atténué, ne pourrait commettre de grands dégâts. Ainsi donc, les valeurs, l'argent, les bijoux, les diamants et la fameuse rivière tant convoitée de la baronne sortiraient absolument intactes par l'ouverture adroitement pratiquée. L'opération semblait parfaitement réussir. Les cambrioleurs pouvaient déjà se féliciter. Ils touchaient au but quand tout à coup la porte du cabinet s'ouvrit. « Que personne ne bouge !» cria Paulin Broquet. Ils étaient là, six hommes, suivant l'opération du chalumeau. Tous aussitôt rabattirent sur leur visage la cagoule. Mais Paulin Broquet avait eu le temps de voir les figures qui, en se tournant vers lui, se trouvèrent en pleine lumière. Un homme à barbe blanche surveillait l'appareil générateur de gaz. C'était le baron Dupont. Dans celui qui dirigeait le chalumeau, le conduisait sur le coffre, Paulin Broquet, Gabriel et Lamorce reconnurent le comte de la Guérinière. Et lui, il portait sur sa cagoule rouge un grand Z au galant d'or. « Ah ah !» fit le comte de la Guérinière. « C'est Paulin Broquet !» Paulin Broquet, pour cette opération, n'avait pris aucun déguisement. Il voulait dès maintenant redevenir lui-même. Tout en criant son « que personne ne bouge », Paulin Broquet s'était précipité en avant avec ses hommes. Il bondit vers le comte de la Guérinière, vers la cagoule grand Z en or, vers Zigomard. Du pas de la porte jusqu'au coffre-fort, il y avait une distance de 6 à 7 mètres. Le large bureau du banquier se trouvait en outre au milieu de la pièce et formait un obstacle que Paulin Broquet devait tourner pour arriver au bandit. Ceux-ci, nous le savons, étaient des hommes remarquables qui, par l'audace, le sang-froid, la discipline et l'entraînement, valaient grandement les hommes de Paulin Broquet. Ils ne manifestèrent aucune terreur. La surprise chez eux ne provoqua pas la moindre panique. Selon toute évidence, ils s'étaient longuement préparés à l'éventualité d'un événement de ce genre. Chacun savait ce qu'en l'occurrence il devait faire pour le bien commun, la sauvegarde de tous. Chacun avait son rôle défini, sa consigne précise, pour que le travail s'exécutât rapidement et que la fuite s'opérât en bon ordre s'il devenait urgent de fuir. Tout d'abord, l'un d'eux jeta un oreiller au plafond et cassa toutes les ampoules électriques. Ce fut la nuit, mais presque aussitôt le chalumeau incandescent emplit la pièce très vaste d'une lueur rouge, comme si l'on eût soudain découvert un foyer de forge. De ce chalumeau, le comte de la Guérinière fit tomber le bec pointu, et une flamme large, une sorte d'éventail de feu, s'échappa en soufflant terriblement. Le comte dirigea sur Paulin Broquet et ses hommes ce jet de flamme. Cependant, il ne garda pas à la main le chalumeau, il le posa sur le coffre, plaçant dessus un outil lourd pour le maintenir et former grâce à lui comme une barrière infranchissable, une haie de feu. Le chalumeau continua de cracher sa flamme dans la direction des détectives, pendant que les aides, entraînés par le vieux à barbe blanche, par le baron Dupont et le comte de la Guérinière prenaient la fuite, couraient vers les pièces du fond, confiants dans leur stratagème, tout en riant et en proférant des injures. Ce jet de flamme surprit évidemment Paulin Broquet, mais il ne put l'arrêter. Paulin Broquet s'élança dans la gerbe de feu. Il mit devant sa figure, pour protéger ses yeux, son chapeau. Ce chapeau, de forme ordinaire, était en cuir, et la flamme ne pouvait le mordre. Quelques brûlures atteignirent cependant Paulin Broquet aux mains, mais ne l'empêchèrent point d'arriver promptement au chalumeau. Il tourna vivement la clé du tuyau qui l'alimentait et emprisonna le gaz dans le générateur. Puis il siffla pour prévenir ses hommes de garde dans la maison et avec ses lieutenants, il se lança à la poursuite des bandits. Ceux-ci ne croyaient avoir affaire qu'à Paulin Broquet et à ses deux lieutenants. Ils comptaient facilement leur échapper ou les vaincre s'il y avait combat. Mais un coup de sifflet d'une modulation spéciale et deux connus leur apprit aussitôt qu'ils étaient cernés. Un des leurs, mis en sentinelle dans une des chambres de l'étage inférieur, dans le petit salon où il gardait la baronne et le précurseur, entendant du bruit, était accouru. Il venait de voir les hommes de Paulin Broquet établissant leur souricière dans la maison, se préparant à l'attaque, et il donnait immédiatement l'alarme à ses camarades. Le comte de la Guérinière et ses compagnons s'étaient d'ailleurs déjà rendu compte que l'hôtel était maintenant occupé par les détectives. Alors ils s'apprêtèrent à combattre. Puisqu'il fallait conquérir la route du dehors, ils livreraient bataille. Ils s'engagèrent donc dans le couloir desservant l'escalier. Mais là, ils trouvèrent les hommes de garde de Paulin Broquet qui les empêchèrent de passer. Ils commencèrent à faire parler les revolvers. Cela se passait dans la demi-obscurité, car une ampoule veilleuse sans cesse allumée la nuit au plafond ne jetait qu'une lueur blafarde dans ce couloir et dans les escaliers. Elle permettait de voir seulement des silhouettes, sans distinguer les personnages. À la voix, aux cris, aux injures, les adversaires pouvaient seulement se reconnaître dans la mêlée. Les hommes de Paulin Broquet, dès les premiers coups de feu, s'étaient jetés en avant. Le revolver avait dû bientôt se taire. Les adversaires se trouvaient trop près pour tirer sans risquer de frapper un camarade. Toutefois, les hommes de Paulin Broquet avaient ordre de ne faire usage de leurs armes qu'en cas extrême. Ils essuyèrent le feu des bandits, mais ne répondirent pas. Ils voulaient prendre le plus possible de Z, mais vivant. Maintenant, c'était la mêlée terrible. Chez les bandits, on se mit à jouer du poignard. Du côté des détectives, le casse-tête en caoutchouc dut alors commencer sa bonne besogne. Paulin Broquet avait spécialement recommandé à ses hommes de ne pas tuer, mais d'arrêter, de mettre dans l'impossibilité de nuire et de fuir. Les détectives frappaient donc avec les massues en caoutchouc, et tout en se garant des poignards, ils tapaient sur les mains pour les désarmer, sur les bras pour les paralyser. Ce fut la lutte corps à corps, d'homme à homme, avec les cris de rage, de fureur, les plaintes des blessés aussi, les hurlements de douleur. Il y eut dans ce couloir quelques minutes de folie, de colère, d'angoisse, d'horreur. Puis la fuite commença, et bientôt la poursuite par les chambres, par les corridors, les escaliers. Au bout d'un moment, ce fut le retour des détectives, seuls. Les bandits avaient fui, abandonnant la lutte, cédant le terrain. Mais Paulin Broquet n'était plus là. Alors retentit l'appel inquiet de Gabriel, de Lamorce et des hommes, redoutant une imprudence nouvelle de Paulin Broquet, un malheur. « Chef, où êtes-vous ? » Un cri joyeux répondit. « Par ici, mes amis, je le tiens. » « Qui ? Zigomar, voyez, le voilà. » Et Paulin Broquet, joyeux, tout frémissant encore, traîna dans le couloir un homme habilement et solidement ligoté, mais la cahoule arrachée, les habits en lambeaux, en piteux état. Les détectives se penchèrent sur le prisonnier évanoui, sur la poitrine duquel, à demi arraché, se lisait le Z en or. Ensemble, ils poussèrent un cri. « Le comte de la Guérinière, Zigomar !» Paulin Broquet n'avait pas voulu laisser échapper son homme. Il le lui fallait ce soir coûte que coûte. De même qu'il avait subi le jet de flamme du chalumeau, il essuya sans s'arrêter les balles de revolver et les coups de poignard, sans ralentir sa poursuite, sans hésiter dans la lutte corps à corps. Avait-il été blessé ? Il ne s'en souciait point. Il tenait son homme. Il lui avait d'ailleurs largement rendu le coup de poing de la nourrice bretonne. Car d'un terrible knock-out, il venait de descendre, selon le terme sportif, son adversaire. Maintenant il le traînait sans connaissance, vaincu, ligoté, comme on le voyait. Zigomar était pris cette fois. « Les autres ?» demanda Paulin Broquet à ses hommes. « Qu'avez-vous fait des autres ?»« En fuite, sauf un prisonnier. »« Le baron ? A-t-on le baron ?» Parti. « Non, non !» dit Paulin Broquet. « Personne ne peut partir. Nous les aurons. Fouillons partout. Il faut les prendre. Il n'est pas possible de sortir de la maison. » Il traîna vivement le comte de la Guérinière inerte dans le cabinet du baron Vancambre. Il le posa comme un énorme paquet sur le bureau et s'assura qu'il ne pouvait se défaire, s'échapper, qu'il lui était impossible de tenter un mouvement. À ce moment, des cris épouvantables de femmes qu'on égorge retentirent à l'étage inférieur. « Ils assassinent la baronne !» cria Paulin Broquet. « Courons à son secours !» Ses lieutenants se précipitèrent. Il appela un de ses agents, une sorte de colosse, que nous connaissons. « Toi, Grimaud, garde-moi cet homme, garde-le bien. C'est Zigomar, compris, chef. » Paulin Broquet, rassuré sur le sort du prisonnier, qu'il savait bien garder par l'Hercule, s'éloigna promptement. Dans le couloir, il dit encore à ses hommes de garde enthousiasmés « Ne laissez passer personne, nous les aurons tous. Ah, mes amis, la journée est bonne, c'est la victoire. Allons, allons, un dernier coup. » Et il descendit vivement vers le petit salon, où de plus belle retentissaient des cris de femmes. On donna de la lumière, et l'on découvrit la baronne qui était parvenue à faire rouler de ses joues rebondies le bâillon précipitamment noué. On la découvrit à terre, près du précurseur immobile, évanouie de frayeur. Elle se tordait dans une douloureuse crise de nerfs. C'était la partie comique de ce drame. « Occupe-toi de ces deux pantins, » dit Paulin Broquet à un de ses hommes. « Nous courons après les aides. Pas un ne peut échapper. » Avec Gabriel, Lamorce, ses autres agents, il se mit à parcourir entièrement l'hôtel, recherchant les bandits dont la fuite soudaine et admirablement exécutée n'était pas sans lui causer une grande surprise. Paulin Broquet ne pouvait admettre que les aides eussent pu glisser ainsi dehors et s'éclipser avec une telle aisance. Ils étaient près d'une douzaine de bandits engagés dans cette affaire. Or, à part deux prisonniers, les autres avaient déjà disparu comme par enchantement. Paulin Broquet voulait savoir comment ils étaient parvenus à lui échapper, par où ils avaient fui. Quelques traces de sang le lui révélèrent. Comme les petits cailloux blancs marquaient la route du petit pousset, les gouttes rouges l'amenèrent au comble où se trouvaient les chambres des domestiques. Dans une chambre de l'angle de l'hôtel, les traces sanglantes que l'on suivait s'arrêtaient à une croisée de mansarde. De cette croisée, une planche solide partait formant pont et allait rejoindre le rebord du toit de la maison voisine. Une croisée ouverte dans ce toit donna la clé de tout ce mystère, révéla le secret de cette fuite prompte et merveilleuse. C'est par là également que, grâce à une complicité dès longtemps préparée, les bandits avaient pu pénétrer dans l'hôtel Vancambre sans passer par la rue. Cela expliquait pourquoi, pendant si longtemps, les détectives guettèrent durant la soirée, sans rien découvrir. C'est par le même chemin que les aides venaient de s'échapper. Sigomar, encore une fois, glissait, pour ainsi dire, entre les doigts de Paulin Broquet, qui, voyant cela, se mit à sourire. « Très fort, bien préparé, je n'avais pas pensé à cela. » Quand nous les attendions dans la rue, ils passaient par les toits. Très habile, bien joué, Sigomar. À tout hasard, pour couper la route, s'il restait quelques aides qui n'avaient pu fuir encore, trop blessés pour suivre les autres, il bouscula la planche et la fit tomber dans la cour. Puis, ayant fermé la croisée, il descendit. « Ils ont fui, » dit-il à Gabriel, « mais nous n'avons tout de même pas perdu la partie, car nous tenons celui que nous voulions tant avoir, Sigomar. » « Oui, Sigomar. Maintenant, je crois que nous avons démasqué ce fameux bandit, ce comte de la Guérinière. Nous l'avons pris sur le fait. Il ne pourra nier, invoquer un alibi. Nous l'avons, mes amis. Nous tenons enfin le terrible, l'insaisissable Sigomar. » Il ajouta, « Mes amis, en même temps, nous aurons la solution de l'angoissant problème de la dualité de cet étrange personnage. Quand nous avons affaire à Sigomar, en qui nous reconnaissons chaque fois le comte de la Guérinière, chaque fois un autre comte de la Guérinière se trouve en même temps, à la même heure, loin de l'endroit où nous rencontrons Sigomar. C'est vrai, chef. Sigomar nous glisse entre les doigts, et le comte de la Guérinière nous raille. Mais aujourd'hui, vous le tenez, chef. Vous le tenez bien, le Sigomar. Je le crois. Mais reste encore à établir la preuve que ce Sigomar, que j'ai quelque peu sérieusement endommagé, qui est là-haut, sans connaissance, ne pouvant concevoir seulement la pensée de la fuite. Ce Sigomar, qui est sous la garde de l'œil et des poings du colosse Grimaud, bien plus sûr que toutes les portes de prison, est bien le comte de la Guérinière. Ça, chef, pas moyen d'en douter. Nous l'avons vu, nous l'avons reconnu. Allons, mes amis, dit Paulin Broquet. Allons essayer d'établir enfin cette preuve. Il revint avec ses lieutenants enthousiasmés dans le cabinet de travail du baron Vancambre, où Grimaud, le colosse, gardait le prisonnier. Mais en ouvrant la porte, une forte odeur de roussi, de brûlé, de chair carbonisée saisit à la gorge le détective et ses hommes. Tous maintenant s'éclairaient avec leurs lampes électriques portatives. Ils avaient en outre allumé toutes les ampoules des corridors et celles des appliques qui n'avaient pas été brisées dans cette pièce quand le Z jeta l'oreiller au plafond. Quand ils pénétrèrent dans le bureau, Paulin Broquet, ses lieutenants, ses hommes cependant habitués au pire spectacle, poussèrent un grand cri d'horreur. À terre, le colosse Grimaud gisait, la face au sol. Il portait entre les deux épaules, bien planté jusqu'à la garde, un poignard. Et la garde d'acier de ce poignard avait la forme d'un Z. Sur la table où Paulin Broquet l'avait déposé solidement attaché, pieds et poings noués et reliés, très serrés, se trouvait encore le comte de la Guérinière. Mais le comte de la Guérinière était délivré de ses liens qui pendaient défaits, coupés à ses pieds, à ses poignets, leur laissant tout leur jeu, permettant la fuite. Le comte, cependant, n'avait pu fuir. Un coup terrible, un coup de massue formidable, lui avait fracassé le crâne. De plus, avec le chalumeau à gaz qui perçait les plaques d'acier pour le rendre méconnaissable, on lui avait absolument carbonisé la figure. C'est-à-dire que la cagoule qui recouvrait la figure de Sigomar était brûlée. La cagoule était en soie, elle n'avait pas flambé, mais s'était carbonisée et couvrait de noir la tête et une partie de la poitrine. Paulin Broquet, pendant quelques secondes, se tint immobile, impassible devant ce cadavre aussi atrocement défiguré. Il semblait chercher dans cette horreur quelque chose se rattachant à la figure détériorée. Sous cette croûte noirâtre, un indice qui rappela la physionomie disparue. Parmi ces boursouflures sanguinolentes, un rien, pouvant encore évoquer l'homme, qui était quelques instants auparavant cet être maintenant épouvantable. La flamme du chalumeau, en grillant la figure, promené hâtivement de droite et de gauche, avait atteint plus bas que la tête. Le cou était brûlé, le col n'existait plus, le haut du veston fumait encore. La cagoule de soie rouge, tordue, carbonisée où la flamme était passée, ne retenait plus que par un bout demeuré intact le grand Z en galon d'or qui seul avait échappé par hasard au jet de feu. Ce Z affirmait à Paulin Broquet que ce cadavre était celui de l'homme qui l'avait attaqué, avec qui il s'était battu, qu'il avait vaincu. Le cadavre de celui que lui et ses lieutenants, en même temps, avaient reconnu, le cadavre du comte de la Guérinière. Le Z d'or affirmait que c'était là ce qui restait de Sigomar. Paulin Broquet dit à ses lieutenants, encore figés d'effroi, « Éclairez-moi. » La Morse et Gabriel, domptant la répugnance qui étreignait leur cœur, avancèrent les lampes électriques qu'ils portaient. Paulin Broquel leur en fit diriger les rayons comme il lui était nécessaire. « Comme ça, » dit-il en indiquant à leurs mains la position qu'elles devaient garder. Puis il se pencha sur le cadavre. Adroitement, avec des soins infinis, des précautions minutieuses, il enleva lambeau par lambeau ce qui restait de la cagoule brûlée, cherchant à découvrir sous ce charbon qui craquait dans ses doigts les traces du visage. Parfois, avec le bout de cagoule, il amenait un peu de peau, un morceau de chair à demi-cuite. C'était effroyable. Pourtant, Paulin Broquet poursuivait sa besogne écœurante, sans trouble, promptement, habilement, avec la surprenante délicatesse de doigts d'un merveilleux chirurgien. Mais Paulin Broquet, cependant si calme toujours, si souverainement maître de lui, ne put cette fois retenir un geste de dépit quand il eut achevé son lugubre travail. La tête du mort, totalement dépouillée de la cagoule carbonisée, apparut tellement brûlée, abîmée, rongée par le jet du chalumeau, qu'il était absolument impossible d'y retrouver aucun signe de ressemblance. Les cheveux, les sourcils, les moustaches avaient disparu, les yeux cuits avaient éclaté hors de leur orbite, et les lèvres gonflées s'entr'ouvraient, montrant les dents dans une crispation qui semblait un rire narquois et infernal. Paulin Broquet, sur cette tête d'épouvante, rabattit ce qui restait de la cagoule. Dans ce mouvement, le grand Z en galon d'or vint se placer sur la figure, comme pour certifier une fois de plus au détective que ce cadavre était bien, celui de Zigomar. Paulin Broquet emmena ses lieutenants. « La mort, » leur dit-il, « la mort qui garde si bien les secrets sait parfois aussi admirablement mentir. » À ce moment, dans le couloir, attenant à cette pièce, retentirent des bruits de pas pressés, des voix, des cris indignés. Paulin Broquet tourna la tête de ce côté pour voir qui arrivait. Mais ses yeux aussitôt furent étrangement frappés. En face de lui, sur le gris perle du mur entre les baguettes dorées d'un panneau, Paulin Broquet, comme au château de Briailles, aperçut, tracé avec du sang, un Z rouge, effroyable, gigantesque, comme une bravade insolente, un nouveau défi. C'était encore la sinistre signature de Zigomar. À ce moment même, à la porte du bureau, apparut affolé le baron Vancambre. Et près du baron, frais, en élégant habit, des fleurs rares à la boutonnière, se trouvait le comte de la Guérinière.